Et comme d'habitude, ce soir, donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance. Et comme d'habitude, donc ce soir, c'est Nuisance, le vendredi, donc de 21h à 23h. From 2100 hours to 2300 hours, it's the Nuisances. Vous entendez des voix en fond, du brouhaha incessant, c'est donc horrible. Et donc, comme d'habitude, il ne se passe absolument rien dans le monde, à part voilà, de la merde, quoi. There's nothing happening in the world except shit, and we already know that. Bien non, non, il ne se passe toujours absolument rien dans le monde. On le saura. You know, there's always this sign of wandering down in the well. Down in the well. Thank you. tous avec Zinta, forget you're all gonna die tonight. All gonna die. This is what the end of the world is about. Donc à mourir, Hukahe, c'est un beau jour pour mourir. Belle soirée. Sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou canalsud.net sur le web dans tout le monde entier, oui, le monde. Can you hear me at the end of the world? Its world is near. It's near to its end. Nearer and nearer to its end, the world. And as we've already seen on other pastures, the revolts are nowhere. And death is everywhere. We are one of those compassionate folks who loves life so much. You'd rather kill than die, really. So let's just be all so passionate and so disglorious about anything. In fact, there's nothing more to say, except maybe twerpy-like tweet. A cigarette here on the other side of the world, dying, hoping for longing for what? Oh, what may I long for? What may I long for? Surely love is the subject. I'd rather not tamper with any this flavored emancipative fantasies, or should I? Maybe elude the question. Now, as for the glory and the power, we are on the way. We are on the way. Money, that's what I want. We want all money. We want all the money. I want all the money. I want all of it, all of it, most of it anyway. Give us money. Give money to the poor so they become rich and we can kill the rich again. Once more. Like we kill the poor. Oh, let's not kill anything. In fact, let's just tamper with this passionate, emancipative fantasies. Thank you. lovey. Okay, now. Stop kidding around. All the kids are in bed, breathing safely away from us. We can show our real shapes once more. We can become once more what we've always been. Cruelty in its purest form. Let's laugh a little. Let's smile to each other. Let's be tender. We know what we want, don't we? Nous avons observé sur la latence donc transitoire une certaine désobligeance à vouloir respecter. Peut-être la valeur subjective du respect à avoir avec cette déraison, en ce mais que tout cas de la forme, il n'y aurait sans latence suspensionnée. Paix enfin vint sur le royaume. Peace at last. At last, we were all in peace. All of us. Dead already. Déjà mort? Oui. Thank you. c'était Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ça va bientôt l'arsener, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi l'émission Nuisance pour l'instant. Jusqu'à présent, donc, vous avez pu observer la dégradation de l'atmosphère, entre autres nomenclature, donc, pour déformaliser un peu du mix sonore aussi. Et pour enfanter une rance et encombrante des abusances, nous vous remarquerons que je ne souhaite pas. Donc la bassesse, donc toujours encombrante. Nuisances, nuisances everywhere, nuisance. Last time you heard the story, I mean, it's all about you. It's all about you. C'est à propos de vous que je vous parle. Nous sommes de ceux et de celles qui ne croient pas injustement les valeurs des autres, comme certains, pour les déformer et en faire une pratique utilité d'une ou de plusieurs jusqu'à présent. Ou maintenant, incohérence, donc roi ou reine de cette incohérente émission de valeurs subjectives. Nous allons témoigner donc d'une vision dorée. Dorée comme l'or, je veux dire. Pas l'orge, l'or. Le fric. Donc une vision de fric. Nous y sommes presque. Ça y est, nous y sommes. Nous allons craquer. Craquer du fric. Claquer du fric. Pour notre bon plaisir. Ouais. We're all gonna fuck all night long, yeah. Oh yeah, we're gonna fuck and shit. And cunt and pussy and dick and wads and fucking everywhere. Just like shit, I mean. And fucking. And crap heads. And assholes everywhere. Puking their fucking shit out of their mouths. I mean their asses. Holes in their mouths. I mean. They're rotting away. They're rotting away. They've been for a while, Lord. Lordy, lordy, lordy. Just let us kill each other. Yeah. And quick, no, slow to suffer. To suffer, Lord. You're so genius, as Lord now. Genial. T'es génial. Seigneur. Laisse-nous nous creux entre nous, lentement, oh oui, lentement, pour souffrir. Merci Seigneur, saigne-moi, Seigneur, saigne-moi, lentement, pour souffrir. Culpabilise-moi de crever. Sanguinolent, bute-moi, bute-moi dans le cul. Tout au fond de mon trou de balle, Seigneur, bute-moi, bute-moi. Oh oui, ça y est, je viens, je te chie sur la queue. I'm shitting on your dick, and your dick is full of shit. Covered it in, I mean. Et maintenant tu regardes la merde qui est sur ta queue et tu te rends compte. Tu te rendras compte. Tu te rendrais compte si tu regardais, je veux dire. Eh ben, il y a du sang et des tripes dedans. Et des bouts de gamins morts. C'est ça qu'il y a au fond de mon trou de balle. Dead kids and shit and blood and rot out of my asshole. Deep in it. Fuck faces. Fuck each other, make some more. Let's kill each other some more. Yeah, baby. Time. Okay. shut up. I'm trying to take pleasure in living the fucking moment, I mean. Now. Don't forget, we're all dead already. Over and over again, don't forget. Yeah, already. Over and over again, yeah, don't forget. Des lessons, révisez vos leçons, vous êtes déjà condamné à mourir. Révisez vite et souvent suffisamment. Comme je le fais moi, tous les jours en me levant, je révise la leçon, oui, ma leçon, pas ta leçon, notre leçon, vos leçons, non, la leçon, une leçon. Cette leçon, c'est pas crever. Ouais, va crever, sale robot. Je t'encule. Toi et ta sale maquette de merde de chiotte pourrite. Toi et ta merde enculée. Bâtard. Hyène. Vous savez, regardez vos montres pour les 2-3 dernières secondes, je veux dire, il n'y a plus de son, donc nous allons donc continuer avec une absurdité, toujours. Allez, attendez-vous au pire. Oh pardon, je ne l'ai pas fait exprès cette fois. You have all noticed the weather is pretty sucky, I mean, encumbered and everything, and we can't hear shit. That's what I wanted to say. There's no place. No shit. We're all gonna fuck and die over and over again forever. Nous allons donc tous baiser et crever encore et encore pour toujours. Prenez plaisir à la vie, ceci est nuisance. Caisse entre parenthèses à la fin, l'émission de toutes les nuisances, c'est l'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine. Ou sur www.canalsud.net. Partout, si vous avez le net. C'est-à-dire pour les riches. Hear you. Je ne vous entends pas. This is good music. C'est de la super musique, donc je vous explique, ça a un sens très profond. Le mec est en train de se branler une queue dans les chiottes en pensant à Natacha et à Natachus. Et donc attaché à son lit, en crevant les abcès furonculeux et purulents, d'un herpès toujours absconce. Voilà, pour ce qui est des MST, on n'en parle pas, c'est pas besoin, c'est pas très visuel tout ça, on est à la radio après tout. Le mec donc l'attache avec des menottes, la frappe, la brutalise, ne l'écoute pas et même prend du plaisir à entendre ses cris. Il frappe encore et encore jusqu'à détruire la face à moitié pour atteindre le but. C'est une interruption momentanée d'un instant de vie. Le libre instant. Je voulais bien sûr dire instantané. Explain it to you, little kiddies. You don't understand shit, do you? It's all about it. It's all about it. Shit's everywhere. Shitters, I mean, they're everywhere. They shit. They shit. They'll shit. Too. Except if we kill them, Lord. Yes. You have understood, Igor. We will kill them all. Yes. Ho ho. What a genius I am. I mean, let's have some fun before killing him, you see what I mean? Oh yeah, the clown. You're here too. Thank you. I'm a genius. 2, 3, 4, for all I care. My god, my finger's about to slip on the button. I mean, the red, trigger, I'll say, a switch. Yeah, the red switch. And you're about to have a... no idea what it's gonna be, I'm gonna put it on. I'm gonna put it on, man. Oh yeah, I am. It's about to come. There it is. I knew it was gonna be hell. It's already hell. Oh my god, we're gonna die. Oh my god, it's horrible. It's so horrible to live. I mean, we're gonna die. You see what I mean? Oh my god. Oh my god, it's the funky fuck. The funky fucking fuck. Fuck, fuck. I mean, shit. Oh, it stopped again. I'll have to put it back. There it is. Now. Now. Or never. Ah, ça y est, ça a coupé, je comprends pas. Quelqu'un a dû... Ah bah il est 11h, voilà. Voilà, il est 23h. Sur les ondes du 92.2 FM toulousain. Stade, je veux dire. Enfin, environ, quoi. Environnement. L'environnement toulousain. Je vais m'apprêter à me racler la gorge et à tousser. Il y a un chat dans la gorge. Au niveau des enceintes. C'est fait. Donc comme je vous disais, L'entité n'existe pas pour une émission où l'intellectualisation de la possibilité est donc omniprésente. Étant un intello abscons, c'est très confusionnant. Nous permettons, étant des, vous faire la remarque que vous ne saurez toujours pas ce que j'avais à dire. Worked enough this year. Vous n'avez pas assez travaillé, vous devez donc mourir. Oh mince, non, c'est pas possible. Mais si, je vous l'avais dit, je vous ai prévenu, je suis votre conseiller, je vous ai conseillé de travailler. Vous allez mourir maintenant. Mourir, vous entendez? Ben, je vous avais prévenu. C'est la loi. Allez mourir. En paix, Prout. Thank you. And don't forget, hell is on earth. We are sure we have found it as scientists and everything, and even wisdom questers. Hell is on earth. We confirm it's on earth. Heaven, I don't know where it is. I mean, nobody knows. On ira tous au paradis, donc après la mort. En attendant, c'est l'enfer sur terre. Nuisance a été et sera toujours, pour toujours, une émission de libre expression radiophonique. Ni tête. Quoique tétons un peu, testons, je veux dire, les microphones, 1, 2, 1, 2. Tout fonctionne à la perfection. La perfection. Oh mince. Ça y est, on va avoir des problèmes. Ça y est, ça commence. C'est l'horreur. C'est la terreur. C'est l'omnibulance. Nous y sommes. Nous allons tous détruire pour ne pas reconstruire cette fois. Jamais avoir construit des institutions, détruire à jamais les possibilités de se faire institutionnaliser. Refus de l'inchangeance. Vie, exclamons-nous. Vie, vie, vie. Et non, ce que j'ai dit auparavant. Souvenons-nous des horreurs et de la terreur. La terreur, vous entendez ? La vraie. Pas celle dans le journal télévisé. Imbécile, stupide, décrépit. Dégénérescence mentale, mutation. Quel est le rapport, Seigneur ? Quel est le rapport ? Ô Seigneur, dis-nous tout. Fais-nous saigner le blanc avec tes idées à la con, ton institution. Pas des dents dans mon institution. Non, nous ce qu'on veut c'est la paix, prout. Et l'état actuel des choses ne transfigure pas non plus. Il faut avouer que la fratrie monnayante et infanticide est là et nous lasse. C'est des nulards, c'est des nulasses, ces gens-là. Je vous le dis. C'est pas possible autrement. Il faut que ce soit ainsi. Ce ne peut être autre chose que de la merde, ce que nous sommes. Discovered the whole truth about humanity. Humanity is full of shit. Hot shit. All of it. It will be exterminated. It is on the plan, the project, the big P. Not to be mistaken with the big C, cancer, or the big M, menopause, or the big other C, car, or A, should I say, automobile, or the big T like TV, or the big I like I am something, ha ha ha, and not you, I am better than you, I, or the U like Ulysses. What an adventure tonight. We have all lived for a few moments together. This is almost the end of the show. I gotta admit, I was a little bit late. J'étais un peu en retard au début de l'émission, donc j'ai profité de l'absence de l'animateur suivant pour transfigurer la passion par un élan de partage. Partage d'intellectualisation et de confrérie infanticide. Toujours permissive réaction, la déambulatoire transversalisation ne transfigure pas, je le disais tout à l'heure. Merci, vous êtes vraiment les meilleurs. Je vous aime. Oui. Tellement. Oh oui, je vous aime tellement. Tous et toutes. Que ça ira plus vite. Qui aime bien châtie bien. Are we dead yet? Because I got something to do after that. And after that too. And something else after that. And something else too. And another thing. After and after. Forever. Do I hear me? I don't think so. I got something to do. I have something else to do. Something I'll burn in hell for. Or maybe I have already done it, and I'm gonna burn in hell for it. Now and forever. Forever. Everything will be my fault. My own little fault. Despicable little creature. Vile, miserable thing. Thingamajig. Destroyed. Dispassionate. Utterly. Unappropriate. And aesthetically. Detransfiguration. Destruction. Everything is meant for it. Worship. Worship. Oh yes, we are together. We are together in death. Forever. Over and over again. Thank you. Dites rien. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Adressez-vous ailleurs. Un souci? Non. Tant mieux. Suivant. À la prochaine. Ouais. Ça va? Et toi? Ouais. T'es prêt toi? Ouais, je suis prêt. On y va? Ouais, allez. Quoi déjà? Ah bah on crève aujourd'hui, tu sais. Ah ouais d'accord, c'est vraiment... Ah cool. Quelque chose à faire aussi, je crois qu'il faut qu'on chie avant pour être à l'aise, tu vois. On peut chier pendant aussi. Tu veux dire pendant qu'on crève l'abcès furonculeux quoi. L'abcès furonculeux. Ouais, ouais. Bon, on y va, hein. C'est spicy, c'est parti. Bienvenue sur les ondes du 92.2 dans Toulousain, sur planetsheet.net. Excusez mon retard, je viens d'entamer la session. Musique Revival Amazonie, c'est pour vous ce soir, amusez-vous bien, les années 80, the 80s, like I like to say, are the best years forever, and they'll stay for me, the best years, les meilleures années de ma vie, excusez-moi, pardon.